بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين ثم أما بعد. Donc aujourd'hui nous allons commencer la lecture dans une épître faite par le noble savant Abu Abd al-A'la Khalid ibn Muhammad ibn Uthman al-Misri hafidhahullah ta'ala, et qui porte sur un sujet très très important, et qui est la science de la critique et de l'éloge. Donc là c'est une épître qui résume un peu et qui essaye donc de rapprocher pour les débutants comme nous, donc quelle est la signification et quel est l'intérêt et l'utilité donc de cette science qui est la critique et l'éloge. Ilm al-jarh wa ta'dil. Ilm al-jarh wa ta'dil. Parce que à notre époque, donc beaucoup donc de sectes, donc bien sûr à part les gens de la Sunna, donc les autres sectes attaquent cette science, attaquent cette science, et ils essayent donc d'éloigner le musulman et de lui donc et donc de susciter des ambiguïtés autour de cette science. Pourquoi? Parce que s'il ne va pas accepter les paroles émanant des gens de science et qui s'inscrivent donc dans le cadre de al-jarh wa ta'dil, ça y est, eux ils vont trouver que c'est une proie facile, ce musulman qui va donc s'éloigner des gens de science, c'est une proie facile pour les gens d'innovation. Donc là cette science elle défend la religion, cette science elle défend la religion, et c'est une science exclusive et particulière et spécifique donc des musulmans. C'est la seule communauté ayant détenu cette science, c'est l'Umma al-Islamiyya, c'est la communauté musulmane. C'est la seule Umma qui a eu donc cette science qui a pour objectif de protéger la religion, contre les innovateurs et les innovations, contre les innovations et ces gens. Donc sans plus tarder, donc nous allons rentrer dans ce que donc le cheikh va nous apprendre et nous enseigner à ce sujet. Donc je dirais juste avant de commencer la lecture, donc dans l'essai de traduction de cette épître, je dirais juste que cette épître elle a été lue et donc conseillée donc par l'érudit savant Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qui est hamil liwa al-jarh wa ta'dil à notre époque, qui est le savant qui porte l'étendard dans cette science, avec donc l'attestation de l'érudit savant al-Albani rahimahullah, qui a dit wa bi-ikhtisar aqul inna hamil ra'yat al-jarh wa ta'dil al-yawm fi al-'asr al-hadir huwa akhuna ad-doktor Rabi' al-Madkhali. Donc là cette épître a été lue et donc par Cheikh Rabi', et Cheikh Rabi' a conseillé qu'elle soit publiée. Ça c'est un. Et deuxièmement, elle a été préfacée par cinq autres savants, cinq autres éminents savants, que je cite, l'érudit savant Ubayd ibn Abdullah al-Jabiri, l'éminent savant Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, donc qui est encore vivant, hafidhahullah ta'ala, ainsi que l'éminent savant Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, ainsi que par l'éminent savant Abdurrahman bin Salih Muhiddin, ainsi que l'éminent savant docteur Abdel Muhsin al-Munif, hafidhamullah ta'ala, qu'Allah les préserve tous. Et donc c'est une épître écrite par Cheikh Abu Abd al-A'la Khalid bin Muhammad al-Misri, hafidhamullah ta'ala. Et donc comme a dit Cheikh Rabi' al-Madkhali, entre nous et les gens d'innovation il y a les livres, et quel livre? Entre nous et eux il y a bien sûr le livre d'Allah et la sunna de son messager alayhi salatu wasalam, et il y a les livres de as-salaf, baynana wa baynakum kutubu as-salaf. Entre nous et eux, donc voici notre juge, on se réfère au livre d'Allah, à la sunna du messager sallallahu alayhi wasalam, et on se réfère à l'héritage de as-salaf salih. Et donc on revient au texte et on revient au athar, et on va voir qui est véridique et qui est un menteur et qui essaye donc de tromper les gens, hein, et de les faire adhérer et affilier dans c'est-à-dire dans sa secte, hein, ou dans son groupe, hein, pour des intérêts mondains et terrestres, hein, alors que donc les gens de la Sunna appellent à Allah, hein, ils n'appellent pas à eux-mêmes, ils n'appellent pas à un parti, mais ils appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, walhamdulillah. Très bien, donc je vais commencer la lecture, donc dans la tentative de traduction du texte de Cheikh Abu Abd Ahla, Ala hafidhahullah ta'ala, il a dit au nom d'Allah, louange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah et sur ses suiveurs. Ceci dit, voici un bref aperçu sur la science de la critique et de l'éloge qu'Allah a octroyé exclusivement à cette communauté, en dehors des autres, afin de préserver les deux révélations, hein, afin de préserver les deux révélations que sont le Coran et la Sunna. Pour éviter qu'il ne s'y infiltre, hein, ceux qui n'en fait pas partie. Pour qu'il ne rentre pas dans le Coran, hein, ou dans la Sunna, ceux qui n'en fait pas partie. C'est pour protéger, hein, c'est pour protéger les deux révélations. Très bien. Le Cheikh a dit, c'est une science axée sur les statuts des hommes, ahwal al-rijal. Elle cherche et elle centre et elle focalise son intérêt et son objet d'étude. Voici l'objet d'étude de cette science. L'objet d'étude, c'est ahwal al-rijal, le statut des hommes. Hein? Quel homme? Les rapporteurs du hadith, rouat al-hadith. Hein? Les rapporteurs du hadith. Hein? Et ceux qui prennent le devant par l'enseignement, le prêche, la fatwa, la composition, etc. parmi les missions. Hein, donc le statut des hommes, ahwal al-rijal. Hein, ça c'est un. D'accord? Ainsi que le statut des groupes, hein, et les livres, ahwal al-firaq wal-kutub. D'accord? Afin d'en juger adéquatement par une critique ou un éloge. Hein? Donc le savant de Al-Jarh wa Ta'dil, il étudie donc les hommes, il étudie les groupes, il étudie les livres pour dire, hein, pour prononcer une critique ou bien un éloge à l'égard de cet objet d'étude. Très bien, la critique des hommes est de deux types. Hein, la critique des hommes est de deux types. Une critique portant sur la crédibilité, al-adala. Une critique qui porte sur la crédibilité. Est-ce que la personne elle-même est crédible ou non? D'accord? Al-adala. Donc, c'est-à-dire, hein, pour cette première critique, elle comprend la critique de considérer comme étant un innovateur, at-tabdi', elle comprend le jugement de at-tabdi', hein, le jugement de at-tadlil, hein, donc prononcer que c'est un égaré, hein, et aussi at-tafsir, prononcer qu'un tel est fasiq, est pervers. D'accord? Donc là, c'est le premier volet. Hein? La critique des hommes est de deux types. Le premier type, hein, c'est celui où cette critique, elle porte sur quoi? Sur la crédibilité, al-adala. Hein? Quand quelqu'un, donc c'est un innovateur, ou bien un égaré ou un pervers, hein? Donc là, donc il n'est pas digne donc qu'on apprenne de lui. D'accord? Très bien. Le deuxième type, une critique portant sur la maîtrise, al-dabt. Hein, lui, il aime le haq, il s'accroche à le haq tant qu'il peut. D'accord? Mais il a une faiblesse dans la maîtrise, dans al-dabt. Hein? Il n'apprend pas par cœur très bien, il oublie, hein, donc ce genre de choses. C'est-à-dire que, c'est-à-dire la personne, elle est fiable, hein, adl, mais au niveau de adabt, n'est pas donc conseillé, hein, ou bien donc il y a une critique à son sujet sur ce plan. Donc le deuxième type, une critique portant sur la maîtrise adabt, hein, et la mémorisation al-hifd, hein. D'accord? Al-dabt wa al-hifd. La maîtrise, est-ce qu'il assimile et maîtrise ce qu'il a rapporté, hein? ainsi que est-ce qu'il mémorise et est-ce qu'il se souvient de cela et est-ce qu'il le garde fidèlement, d'accord? Parce que cette religion, elle est appelée à perdurer et à donc rester jusqu'à la fin du temps. Hein, donc cette religion, donc on ne va pas accepter qu'il s'y infiltre une erreur. Hein, donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que donc des hommes vont protéger cette religion. Et nous devons être derrière ces hommes qui sont les grands savants, qui sont les savants de la Ummah et qui défendent cette religion. Très bien, donc une critique de crédibilité, portant sur la crédibilité, al-adala, et une critique portant sur la maîtrise, al-dabt, et la mémorisation, al-hafd. Explication de ce deuxième type, cela englobe la critique pour la mauvaise mémorisation. Donc on critique un homme, hein, pour sa mauvaise mémorisation. D'accord? Ça c'est un. Pour la négligence, al-ghafla. Il y en a qui donc parmi les rois, qui avaient al-ghafla. C'est-à-dire, c'est pas comme quelqu'un qui va vraiment, hein, donc garder l'attention lorsqu'on lui rapporte la chose. Al-ghafla. D'accord? La négligence. L'erreur, al-khata. Hein, donc il s'est trompé. Donc à un moment, donc le muhadith il dit, il y a une erreur ici, hein, parce que donc ce texte il contredit riwayat l'udoul, hein, et ainsi de suite. Très bien, donc l'erreur, l'illusion al-wahm, c'est-à-dire ash-shak, c'est-à-dire le doute que la personne donc s'est trompée. Donc la personne s'est trompée, mais elle s'est trompée comment? Par l'illusion, par al-wahm, hein. Donc elle a pensé que c'était comme ça, alors que ce n'est pas donc comme il a imaginé ou comme il a gardé. Al-wahm, hein, la confusion, at-takhlit. Il a confondu entre deux points, entre deux choses. At-takhlit. Donc là, les gens de science, ils critiquent cet aspect aussi. Très bien, cette science reçoit également des dénominations. Donc cette science qui s'appelle al-jarh wa ta'dil, la critique et l'éloge, al-jarh wa ta'dil, hein, elle reçoit aussi d'autres dénominations. Elle s'appelle la réplique au contrevenant, al-raddu ala al-mukhalif. Donc on dit al-jarh wa ta'dil, ou bien d'autres savants, hein, donc ils disent al-raddu ala al-mukhalif. Hein, il y a des gens de science qui disent al-raddu ala al-mukhalif. Ils n'utilisent pas la terminologie de al-jarh wa ta'dil. Ils disent oui, donc etar al-radd al-mukhalif, cela, donc on peut dire ceci ou cela. Très bien, la réplique au contrevenant. Et on l'appelle aussi la mise en garde contre les gens d'innovation et de passion. At-tahzir min ahli al-bid'i wal-ahwa. Donc là, c'est cette science, elle reçoit ses dénominations. Très bien. Ce qui est un fondement grandiose, hein, parmi ceux des gens de la sunna. Hein, donc la critique des gens d'innovation, ça c'est un fondement chez les gens de la sunna. Les gens de la sunna, ils ont beaucoup de fondements, tels que ce qui est clarifié dans les livres de Al-Aqaid et de la sunna. Fi kutub al-Aqida wa fi kutub al-Sunna, mais ils sont même kutub sunna, kutub al-Manhaj. Donc là, les gens de science, ils énumèrent quels sont usul al-Sunna al-Jama'a, quels sont les fondements des gens de la sunna. Hein. Nous, en tant que gens de la sunna, on doit donc connaître ces usul et on doit nous y attacher. À nous attacher à cela. Et parmi ces fondements, il y a le fondement qui est la critique des gens de Al-Bida'. Nous, on ne dit pas comme disent les innovateurs qui disent « Non, nous, donc on ne va pas critiquer parce qu'on va diviser la Umma, on va faire ce... » Nous, en tant que gens de la Sunna, on dit « Chez nous, il y a la critique des innovations. Lorsqu'il y a une erreur, on la critique. Et il y a aussi la critique des innovateurs. Hein? » En réplique, hein, et on réfute les innovations et les innovateurs, par exemple. Et parfois, donc, le fait donc de critiquer un point ou de critiquer quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il est innovateur, nécessairement. Pas forcément. Il se peut qu'un savant de la sunna s'est trompé, comme ce qui a été mentionné avant. Hein. Il se peut que quelqu'un se trompe, alors que lui, il est sur la sunna et ainsi de suite, mais il s'est trompé sur un point, ou bien il a confondu, ou bien donc il se peut donc qu'il y ait une confusion, hein, donc ou bien donc un wahm, le doute, et ainsi de suite. Donc là, le fait de critiquer, ça ne signifie pas toujours, hein, c'est-à-dire qu'on met en garde contre la personne en tant qu'innovateur, etc. D'accord? Et parfois les gens de science, ils mettent en garde contre quelqu'un, mais cela ne veut pas dire qu'il est un innovateur. D'accord? Faites attention à ce point. Donc ils mettent en garde contre quelqu'un, ils vous disent, celui-là, on le déconseille. Nous, on ne te conseille pas donc d'aller chez cette personne, ou bien d'apprendre donc de ses livres, et ainsi de suite. Mais cela ne veut pas dire forcément que c'est un innovateur. Hein? Donc il s'agit de savoir quels sont les innovateurs et quelles sont les innovations et quels sont les gens de la sunna parfois déconseillent donc certains gens, hein, juste parce que il y a mieux, hein, il y a mieux, et donc telle personne, peut-être qu'ils sont en train de lui prodiguer le conseil, hein, d'accord, mais l'affaire ne va pas jusqu'à son tabdi', c'est-à-dire que l'affaire n'est pas encore au stade de déclarer telle personne comme étant innovatrice. Très bien, donc là, le cheikh, hafidhahullah, il a dit, cette science s'appelle également, hein, la réplique au contrevenant, ar-rad al-mukhalif, et la mise en garde contre les gens d'innovation et de passion. Ce qui est un fondement grandiose, hein, parmi ceux des gens de la sunna. Si quelqu'un, il va te dire, non, on va diviser la umma, et ainsi de suite, tu vas lui dire, non, ça c'est un fondement, chez les gens de la sunna, que de critiquer les akhta, les erreurs, hein, et de critiquer, hein, donc les personnes qui commettent ces erreurs aussi, c'est nécessaire. Très bien, c'est pourquoi ils ont tenu à le mentionner dans les livres des fondements de la croyance, hein, Kutub Usul al-I'tiqad. Donc ils ont mentionné ce fondement qui est Ar-Rad al-Mukhalif, qui est Al-Jarh wa Ta'dil, qui est Al-Tahdir min Ahl Bid'a wa Al-Ahwa. Ils ont mentionné ce fondement, hein, parmi ceux, c'est-à-dire donc de al-i'tiqad, de la croyance. Ils ont mis cela dans les livres de la croyance et de la sunna comme étant un fondement. Très bien. Et donc le cheikh, après cela, hein, il a dit, sache qu'Allah me fasse miséricorde ainsi qu'à toi, hein, que le premier à avoir critiqué les hommes. Hein, qui est le premier à avoir critiqué les hommes, hein, afin de prodiguer le conseil à la communauté, hein, c'est le prophète alayhi salatu wasalam. C'est le prophète de la bonne guidée. C'est lui qui a donc qui nous a tracé ce minhaj, cette voie, hein, c'est lui qui a mis les jalons de cette science. C'est lui qui a indiqué cela par des textes, hein, le cheikh va nous donner, hein, quelques preuves sur cela. Donc il a dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde ainsi qu'à moi, ou bien donc le cheikh l'a dit, sache qu'Allah me fasse miséricorde ainsi qu'à toi, que le premier à avoir critiqué les hommes, afin de prodiguer le conseil à la communauté, hein, parce que cela c'est pour conseiller à la communauté. Le musulman doit aimer sa communauté, il doit être un conseiller pour sa communauté, un nusr lil umma, hein, comme il y a dans des hadiths, hein, Ad-dinu nasiha, qu'on a l'imam. Donc il a dit, hein, lillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immati al-muslimin wa a'immatihim. D'accord? Donc la religion, c'est le bon conseil. Le bon conseil envers qui? Envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et conseiller à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est, hein, de l'adorer par l'unicité, hein, de suivre, hein, ses ordres, et donc d'éviter ces interdits. Ça, tu es donc en train de s'attacher à sa religion. L'ikitabé, de le réciter et d'œuvrer avec, hein, et d'œuvrer avec et de le défendre, hein, et donc de d'œuvrer avec et de l'ikitam, c'est-à-dire de recourir comme juge, c'est le livre d'Allah. S'il y a un différent entre toi et ton ami, hein, vous revenez au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc à son messager, en le suivant, alayhi salatu wasalam, et donc tout ce que cela comprend comme suivi du message alayhi salatu wasalam, ta'atu fima amar wa tasdiqu fima akhbar wa imtithalu ma anhu naha wa zajar wa an la ya'budu Allah illa bima shar. Ça c'est le fait de conseiller au message alayhi salatu wasalam. Conseiller au message alayhi salatu wasalam, non pas que toi tu vas donner un conseil au messager, non, conseiller au messager, c'est-à-dire, hein, que toi tu es en train de suivre ton messager, hein, alayhi salatu wasalam. Donc là c'est wali rasouli wali a'immati al-muslimin wa 'amatihim, c'est-à-dire pour les imams de la communauté. Quels sont les imams de la communauté? Ce sont les gouverneurs et sont les savants, Les gouverneurs, ils appliquent et donc ils vont appliquer la chose, c'est-à-dire c'est le côté exécutif. Et les savants qui vont mentionner quelle est la vérité. Hein? Les savants, ils montrent la vérité et les gouverneurs, ils l'appliquent. Ça, c'est l'umara. L'umara, c'est Yadkhul fi. Donc les gouverneurs, les hukam et ainsi que les savants. Wa'ammatihim, c'est conseiller au amma, à la masse des musulmans. C'est de prodiguer le conseil aux gens. C'est de propager la religion d'Allah. C'est de mettre en garde contre les innovations et les innovateurs, et ainsi de suite. Très bien. Donc là, le cheikh, il a dit, le premier à avoir critiqué les hommes afin de prodiguer le conseil à la communauté est le prophète de la bonne guidée, alayhi salatu wassalam. C'est lui qui avait instauré cette méthodologie sage, sous la révélation d'Allah, afin de protéger cette religion contre les gens d'innovation et de passion. Parce qu'il y a, s'il n'y a pas la critique, imaginez que chacun qui veut dire une chose, il va la dire, elle sera publiée ainsi de suite. Et personne ne va la réfuter. Personne ne va la critiquer. Qu'est-ce que cela va faire? Cela va faire donc que la religion va se perdre. Les gens ne vont plus savoir où donner de la tête. Et les gens ne vont plus savoir où est la vérité, où est la fausseté. Et c'est le cas sur, donc, que vous voyez sur ce qui se passe sur Internet et donc dans certains endroits comme cela, dans les médias et ainsi de suite. Il y a des gens qui vont te dire, non, on ne sait pas où donner de la tête. On ne sait pas, il y a des gens qui disent comme ça, parce que eux, ils écoutent les gens d'innovation. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le succès de connaître quels sont les savants auxquels il faut s'accrocher à leurs paroles et donc être derrière les savants, puisque donc ils ont ouvert n'importe quel média, ils sont en train de recevoir des paroles, donc cela va créer chez eux quoi, la confusion. Très bien. Donc ça, c'est donc le premier point, c'est que celui qui a instauré cette science, c'est le messager alayhi salam. Bien sûr, avec le wahi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui lui a donné cette révélation. Avec donc la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si quelqu'un il vient donc critiquer cette science, on lui dit tu es en train de critiquer quelque chose que le prophète a instauré dans la Ummah et voici la preuve. Voici les preuves. Il a dit, il y a des exemples attestant de cela, dont, voici des exemples. Le premier, l'avertissement du prophète, alayhi salatu wassalam, contre Zil Khuwaisira At-Tamimi. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait face à un homme, et il l'a critiqué, et vous allez voir qu'est-ce qu'il a dit de lui. D'accord? Ça c'est de la critique. Ça c'est Ar-Rad al-Mukhalif. C'est-à-dire celui qui a contredit la voie de l'islam, lui il était en train de le critiquer. Il n'a pas dit non, nous on laisse les gens, on se réunit comme disent les gens d'innovation. Les gens d'innovation, ils cherchent le nombre pour grossir le nombre de leur parti. Donc ils cherchent le nombre, ils vont dire nous on ne va pas critiquer les gens, laissons les gens se réunir et se rassembler chez nous, dans notre siège, ne critiquons personne. Même si quelqu'un il se trompe, laissez-le. Et ainsi de suite, ils vont laisser les erreurs. Ils vont laisser les erreurs. Alors que le messager, lorsqu'il y avait une erreur, notamment lorsque cela touchait la croyance, et lorsque cela touchait la voie, la méthodologie, il répliquait. Sur le champ. Lorsque cela a touché la croyance, lorsqu'ils ont dit ij'alana zat anwat, d'accord, donc il a dit, vous avez dit comme les Banu Israël, ils ont dit ij'alana ilahan, donc lorsque une chose touche ces aspects, il répliquait alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'il y avait bien sûr une erreur, il l'a réfuté, même si c'est pas dans la croyance ou dans la méthodologie. Très bien. Donc là, on revient à notre premier exemple, il a dit, et les exemples attestant de cela sont nombreux. Le premier, l'avertissement du prophète, alayhi salatu wassalam, contre Zil Khuwaisira At-Tamimi. Quand Zil Khuwaisira lui dit, quand Zil Khuwaisira a dit à Nabi, alayhi salatu wassalam, au prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit de Zil Khuwaisira? I'dil ya Muhammad. D'accord? Il a dit, ittaqillaha ya Muhammad. Il a dit, crains Allah, ô Mohammed, et cette division que tu as faite n'est pas juste. Il a dit, ya Mohammed, fa inna hadi qismatun ma urida biha wajhullah, subhanallah. C'est une parole, donc de mécréance. Il était en train d'accuser le prophète, alayhi salam. Parce que le khawarij, depuis cet homme, qui est le premier khawariji, cet homme, rappelez-vous de son nom, Zul Khuwaysira At-Tamimi. Zul Khuwaysira At-Tamimi. D'accord? Cet homme, c'est le premier khawariji, c'est le premier à s'être révolté et rébellé contre le prophète, alayhi salam. Et donc, vous regardez quel aspect il a parlé de quoi? Il a parlé de l'argent. Lorsqu'ils sont retournés donc d'une bataille, le prophète était en train de diviser le butin, le ghanaim, et le prophète il divise cela par sa sagesse et parce qu'il sait quels sont les hommes auxquels il va donner plus que d'autres, pour des raisons. Donc là, cet homme, il s'est érigé contre lui, il a dit non, tu n'as pas bien divisé, i'dil ya Muhammad. Donc là, c'est une parole, c'est une parole, bien sûr, de mécréance. Moudad d'Alin Nabi alayhi salam. Et les gens de science disent que ce Dhul Khuwaysira était un munafiq. Dhul Khuwaysira Tamimi était un hypocrite. D'accord? Donc là, quand cet homme, qui est Dhul Khuwaysira Tamimi, lui dit, crains Allah au Muhammad, un homme, un sahabi, un homme, lui demanda la permission de le tuer. Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu, il a dit da'ni adrib 'unqa hadha al-munafiq. Khalid ibn al-Walid ne va pas le dire de sa tête parce qu'il était connu que celui-là c'est un munafiq, c'était un hypocrite. Da'ni adrib 'unqa hadha al-munafiq. Il lui refuse, le prophète alayhi salam, il a refusé, il a dit non. Da'hu. Et lorsque l'homme était parti, le prophète alayhi salam dit, il sortira de la descendance de celui-ci ou de sa suite des gens qui récitent le Coran, mais ils ne dépassent pas leur gorge. Ils s'échappent de la religion comme la flèche traverse son arc. Ils tuent les gens de l'islam et ils délaissent les païens. Si j'atteins leur époque, je les tuerai comme le peuple de Ad. Voilà, après le départ de cet homme, le prophète, voici ce qu'il a dit de Khawarij. Il n'a pas donc dit, mais nous, oublions cela et on va se rassembler, laissons-le, donc c'est Allah qui va juger des gens. Non, le prophète, il a dit, voici, tel homme, et tel homme, et tel homme. Ça, c'est une piste. Et il y aura des gens comme lui, et ainsi de suite. D'accord? يَخْرُجُ مِنْ دِئِ هَذَا أُنَاسٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ وَقِرَاءَتَكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُزَلُ تَرَقِيًا. C'est-à-dire que les khawarij, ils avaient une activité dans l'ibada. Ils récitaient beaucoup le Coran. Et il faisait beaucoup de prières, beaucoup de prières, Qiyam al-Layl, beaucoup de prières, d'accord? Au point qu'ils avaient au niveau donc des genoux, ils avaient quoi? Ils avaient at-tafan. Ils avaient que il y a donc les traces que ça, c'est un homme qui s'est beaucoup agenouillé, qui s'agenouillait beaucoup dans la prière, qui faisait beaucoup donc de prières. Ils avaient at-tafan, mais c'était ibada ala dalal, d'accord? C'était pas sûr la bonne compréhension des compagnons. Comme lorsque Ibn Abbas radiallahu anhu, il a eu un débat à l'égard de ces gens, la première chose qu'il leur a rappelé, il a dit, je suis venu de la part des compagnons et il n'y a pas un compagnon parmi vous. Il a dit, il leur a rappelé cela. Il a dit, je suis venu de la part des savants, les compagnons, et parmi vous il n'y a pas un compagnon. D'accord, il n'y a pas un compagnon, il leur a rappelé cela. Et par la suite, il a montré avec science et ainsi de suite, beaucoup sont revenus de leur avis. Après le débat d'Ibn Abbas, beaucoup donc sont revenus. Et ceux qui sont restés, qui se sont crispés à Al-Batil, parce que Ibn Abbas, c'est Habrul Umma, c'est un grand savant, un érudit, un grand savant. Lorsqu'il a débattu, il a montré la vérité. Ceux qui n'ont pas voulu se rendre à la vérité, Ali ibn Abi Talib, il a demandé l'aide d'Allah, il les a combattus, ceux qui restèrent, il les a combattus. D'accord? Donc là, c'était le premier exemple. Le premier exemple que Cheikh Abu Abd Allah nous a cité, c'était que donc, le prophète ne s'est pas tué devant cet homme, etc. Il n'a pas dit, donc nous, on ne critique pas, nous, on ne va pas faire tajrih des gens. Nous, on ne veut pas faire la critique des gens. On ne veut pas blesser les gens. Hein? Non, nous, on montre la vérité. Il a dit, allez, c'est simple, que ça, c'est une secte qui va apparaître, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Hein? Très bien. Et les paroles du prophète alayhi sallam sur Khawarij sont nombreuses. Le prophète, il a détaillé. Il a parlé beaucoup donc de Khawarij. Très bien. Deuxième preuve. Hein, deuxième preuve. Al-Bukhari et Muslim. Hein, les deux grands imams de l'islam. Hein, muhaddisin. Al-Bukhari et Muslim. On rapporté d'après le hadith de Aïcha. Hein, qu'un homme avait demandé la permission de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, qui dit... Permettez-lui. Un homme demanda de voir le prophète, alayhi wa sallam. Mais le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Permettez-lui. Quel mauvais fils de clan, hein? Ou quel mauvais frère de clan. Idanoula, bi'sa akhul ashira. Ou, d'accord, bi'sa ibn al-ashira. D'accord? Parce que, donc, cet homme, on va savoir pourquoi le prophète, il le critique comme cela. D'accord? Donc, cet homme, il a demandé de voir le prophète. Le prophète, il a dit... Permettez-lui. Hein? Mais quel mauvais frère de clan. Hein? Quel mauvais fils de clan. Hein? C'est-à-dire que cet homme n'était pas bon. D'accord. Quand il rentra, mais quand l'homme il était rentré donc auprès du prophète, quand il rentra, il lui parla doucement. Le prophète, il lui parla doucement. D'accord. Il va nous expliquer pourquoi. Il lui parla doucement. Je, hein, c'est-à-dire Aïcha qui rapporte cela, je, Aïcha, hein, dit, je dis, ô messager d'Allah, quand cet homme il était parti, ô messager d'Allah, tu avais dit de lui telle chose, hein, bi'sa'khul ashira, tu avais dit de lui telle chose, hein, puis tu lui as parlé doucement, quand il était donc chez soi, tu lui as parlé doucement, il, c'est-à-dire le prophète alayhi sallam, dit, oui Aïcha, l'homme ayant le pire statut auprès d'Allah est celui que les gens délaissent ou épargnent pour se prémunir de sa grossièreté. Inna sharran nasi man wada'ahu an-nas ittiqa'a fuhshi. D'accord, il lui a montré que pourquoi il lui a parlé doucement, parce que c'était un homme grossier. Il va dire des choses grossières. Hein, le prophète il l'a traité avec sagesse jusqu'à ce qu'il parte. D'accord? Mais ça n'empêche pas qu'il l'a critiqué. Le prophète, il a montré que ça, c'est un homme qui n'est pas bien. Pour que les gens ne le fréquentent pas. Hein? Pour que les gens ne soient pas dupes. Et ils vont voir que le prophète, il l'a traité doucement, ils vont dire, oui, nous, on va fréquenter tel homme. Non, il a dit, et bi'sa akhul ashira. Bi'sa ibn al-ashira. D'accord? Très bien. Et on va voir cela en rapport avec, hein, ce que le cheikh il va commencer finalement, hein, et que les gens de science, qu'est-ce qu'ils vont commencer finalement, cela, que cela n'a aucun rapport avec la médisance. Ça c'est al-haq, ça c'est la vérité. Quand un homme il déclare cela devant les gens, il n'a pas donc de riba, la riba lil-mujahir bil-ma'siyah, la riba lil-mubtadi'. D'accord? Celui qui commet des innovations, on ne va pas dire non, vous êtes en train de faire de la médisance à son égard. Non, la riba c'est le mubtadi', ainsi que celui qui fait le mujahara bi le fisq. Hein? Celui par exemple qui lorsqu'il boit de l'alcool, il va sortir donc de parler devant les gens et ainsi de suite. Ça, c'est, celui-là n'a pas une riba. On ne peut pas dire que toi tu as parlé de lui pour qu'il boit l'alcool et ça, c'est de riba. Non, lui, il ne s'est pas caché. Lui, il a fait la chose ouvertement. Donc, on dit cette chose entre nous. Hein? Donc, il n'y a pas de riba là-dessus. Ça, c'est le deuxième. Donc, on a vu de Khouaïsera. On a vu cet homme dont le prophète il a dit Bi'sa akhul ashira ou Bi'sa ibn al-ashira. Très bien, le troisième. Quand Hamal ibn Nabira al-Huzali avait dit, ô messager d'Allah, comment vais-je rembourser pour celui qui n'a pas bu, ni mangé, ni parlé, ni commencé? Un tel cas serait plutôt nul. Hein? Parce que deux femmes se sont bagarrées. Hein? Et l'une d'elles a frappé l'autre qui était enceinte. Cela a fait que c'est-à-dire, le fœtus, il est tombé. D'accord? Fa sakhata laha janinuha. Donc là, les deux femmes se sont bagarrées. L'une d'elles a fait qu'elle a frappé l'autre de sorte que le fœtus il est tombé mort. D'accord? Certes. C'est-à-dire qu'il est tombé avant la naissance. Le prophète, il a jugé qu'elle doit donner diyet al-janin. Qu'elle doit donner diyet al-janin. C'est-à-dire qu'elle doit donner une diya. Qu'elle doit payer une amende. Hein, qu'elle doit payer une amende parce que ça c'est une nefs. Hein, ça c'est une nefs bécharia, elle l'a tué. Cet homme il est intervenu, il était de son clan. Il est intervenu, il a essayé de défendre cette femme qui a agressé. Hein, elle a voulu donc la défendre. Il a dit que ce n'est qu'un fœtus. Hein, sa phrase veut dire quoi? Ça c'est un fœtus. Comment on va donner dia? On va donner dia pour quelque chose comme cela. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Kifa addi ou kifa afdi? Man la shariba wala akal. Wala nataqa wala sahal fa mithlu hada yutal. D'accord? Il a dit comment je vais donner, on va rembourser même pour celui qui n'a pas bu, parce que le fœtus, hein, donc c'est pas qu'un être qui est sorti dans l'univers, il a mangé, il a bu. Qui n'a pas bu, ni mangé, ni parlé, ni n'avait commencé une vie. Il a dit qu'un tel cas serait nul. Hein, serait nul. Mais là, remarquez qu'il s'est opposé hein, au jugement de qui? Du messager, alayhi sallam. Le messager, alayhi sallam, la yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. C'est une révélation qui lui est donnée. Hein, il a donné un jugement hein, que donc il faut verser une amende. Hein, il faut verser une amende concernant Al-Janin. Hein. Cet homme s'est opposé au jugement du prophète alayhi sallam et il a dit tel propos. Qu'est-ce que le prophète il a répliqué? Comment il a critiqué? Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Le prophète sallallahu alayhi sallam rétorqua cet homme, c'est-à-dire Hamel, hein, Hamel bin Nabira al-Huzali. Cet homme n'est qu'un frère des devins. Il a dit que cet homme n'est qu'un frère des devins. Vous connaissez les devins, celui qui va prétendre l'avenir, qu'il connaît l'avenir, qu'il connaît ce qui se passe demain ou après-demain ou le mois prochain ou l'année prochaine ou le semestre prochain, et ainsi de suite. Comme ce qui s'écrit dans les horoscopes, hein, le zodiaque, hein, les signes du zodiaque, l'horoscope. Il prétend connaître ce qui va arriver telle année, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Hein, c'est mensonge. Ça, c'est interdit de dire cela. Et c'est bien sûr plus interdit, pire, hein, de croire en cela. Parce que celui qui va croire en ces choses, hein, il a mécru en ce que le prophète Al-Sallam a apporté. Parce que le prophète, il a apporté que nous, on ne connaît pas le rêve. On ne connaît pas ce qui se passe demain. Comment ces gens, ils prétendent qu'ils savent ce qui va se passer pour ce semestre, pour toi, ou pour cette année, ou pour ce mois, et ainsi de suite. D'accord? Le prophète, il a dit, Inna ma hada min ikhwanil kohan. Hein? Mais pourquoi le prophète, alayhi sallam, il a dit cette chose? Hein? À cause de sa rime qu'il a faite dans sa prose. Parce qu'il a donné une phrase qui trompe les gens, hein? Comme font les gens d'innovation à notre époque, ils font des phrases, ils ont beaucoup d'éloquence. Parfois, certains d'entre eux, ils ont de l'éloquence, ils ont de beaucoup de la faconde, on dit le bavardage, il bavarde, il, même parfois avec les chaînes télévisées maintenant qui sont audiovisuelles et ainsi de suite, ils se montrent aux gens, ils vont tromper les gens même par le gestuel et ainsi de suite. Qu'est-ce que cela fait? Cela va faire qu'il va tromper les gens par la parole, hein, alors qu'il n'a pas les preuves, il n'a pas la vérité, hein, de son côté. Il n'a pas la vérité de son côté. Le prophète, lorsqu'il a vu que tel homme, il est en train de faire un langage, où il y a la tromperie, il y a le mensonge, il est en train de contredire le jugement du messager, alayhi sallam, hein? Et donc il est en train d'embellir cela et les gens vont être trompés. Qu'est-ce qu'il a dit, hein? Inna ma hada min ikhwanil kohan min ajli saj'i alladhi saj'a. Pour la parole qu'il a composée et qui était rimée. Il y a une parole où il y a le rythme, où il y a un rythme. Il a dit, كيف أدي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل هذا يطل. Il a composé comme donc une parole des gens qui peut donc tromper des gens. Le prophète alayhi sallam il a critiqué aussi d'une manière dure et avec hazm, hein, avec détermination et avec fermeté, il a dit Inna ma hada min ikhwani al-kohan. Hein? Celui-là n'est que donc l'un des frères des devins. Hein? Très bien, et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après le hadith de Abi Huraira. D'accord? La quatrième preuve, quand Fatima bint Qais l'avait interrogé, alayhi salatu wasalam, l'avait interrogé sur le statut de Muawiyah ibn Abi Sufyan et Abu Jahm qui se proposèrent comme des prétendants pour elle. Khatabeha. Ils se proposèrent comme des prétendants. Deux hommes, ils se sont proposés pour khitwat hadil mar'a, pour donc prendre cette femme comme épouse. Hein? Cette femme était dans l'embarras, elle est venue demander l'avis du messager, alayhi salatu wasalam. Hein? Elle est venue demander le conseil du messager, alayhi salatu wasalam. Hein? Il répondit, alayhi salatu wasalam, quand ça Abu Jahm, donc elle lui a dit, ces deux hommes, ils ont demandé ma main, ils ont demandé cette femme en mariage. Il a dit, quant à Abu Jahm, il ne descend pas le bâton de son épaule. C'est-à-dire, il a toujours le bâton sur son épaule. Les gens de science, ils ont dit, il est toujours en voyage. Et donc, lorsqu'un homme, il est toujours en voyage, sa femme, elle va se trouver toujours dans son foyer, seule, et ainsi de suite. Alors que lui, il est toujours en train d'entreprendre des voyages. L'aïda al-asa an-atiqi, ça a été interprété dans ce sens. Et ça a été interprété comme l'aïda al-asa an-atiqi, c'est-à-dire, il frappe. Il frappe. C'est-à-dire ses proches, il va frapper même son épouse, donc d'une manière qui est abusive, c'est-à-dire non pas comme le prophète, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a montré dans son noble livre, que frapper la femme ça vient en dernier lieu et ça c'est avec des conditions et avec une manière et ainsi de suite. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cet homme la yada'u al-'asa 'an 'atiqi, d'accord, ça c'est un, ça c'est Abu Jahm. Et quant à Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiallahu anhu, et quant à Muawiyah, c'est un homme qui ne ramasse pas d'argent. Il a dit, donc c'est un homme qui n'a pas ramassé de l'argent. Donc là, la femme doit avoir un foyer, elle doit, c'est-à-dire, avoir quelqu'un qui va dépenser, qui aura un peu donc, de subsistance pour nourrir ses enfants, et ainsi de suite. Il a dit, parce que cet homme, à ce moment où le prophète alayhi salam, donc il montre son statut, c'est-à-dire il n'a pas ramassé donc de l'argent de quoi ouvrir un foyer, d'accord, il a dit fasalukun la malala, le prophète alayhi salam, il ne fait pas de complaisance pour quiconque, il a conseillé à la femme parce que cette femme a demandé son conseil, d'accord, lorsque quelqu'un il se demande conseil, tu vas lui conseiller, lui prodiguer le conseil. Parce que toi, tu es mieux placé, si tu as de la connaissance dans un domaine, tu es mieux placé pour lui dire qu'est-ce qui lui convient. Le prophète, il a conseillé à cette femme. Et par la suite, alayhi salatu wasalam, il lui a conseillé de délaisser ces deux hommes suite à cette critique et d'épouser un autre qui est Usama ibn Zayd. Et cette femme, elle a épousé Usama, il a dit, et j'étais contente, j'étais heureuse d'avoir obéi au messager alayhi sallam et d'avoir épousé Usama ibn Zayd. Elle était contente comme cela. Et donc là, c'est un hadith qui est rapporté par Muslim, par l'imam Muslim, rahimahullah. Le cheikh Abu Abd al-A'la a commenté après ces quatre preuves qu'il nous a citées. Il a dit, toutes ces paroles du prophète alayhi sallam relèvent du conseil, adamina nasiha, relèvent du conseil, de l'avertissement contre ce dont il est obligatoire d'avertir. Il est obligatoire d'avertir contre ces choses. Que ce soit donc contre le Khwaïsera, ou que ce soit contre cet homme qui est grossier, ou que ce soit contre Hamel ibn Nabira al-Huzali, ou que ce soit dans cette situation où cette femme se trouvait dans l'embarras. D'accord? Ces paroles du prophète, alayhi sallam, ne font pas partie de la médisance à l'unanimité des gens de science. Hada bi shahadati wa bi ijma'i ahli al-ilm. Que cela ne fait pas partie de la médisance. Et voici certains de leurs propos signifiant cela. Le prophète il nous a donné une conclusion. Le cheikh nous a donné maintenant une conclusion. Il va dire, et voici ce qu'ont dit les gens de science. Et voici certains de leurs propos, des propos des gens de science, signifiant cela. signifiant que ça ne fait pas partie de la médisance, que ça c'est de an-nasiha, ça c'est al-rad' al-mukhalif, ça c'est al-jarh wa al-ta'dil, ça c'est le fait de montrer les choses avec leurs preuves. Très bien. Comme al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah les avait cités, il a cité les propos des gens de science après ces paroles du prophète alayhi salam, c'est-à-dire les commentaires des gens de science concernant ces paroles du prophète alayhi salam. Al-Khatib al-Baghdadi les avait cités avec des chaînes de transmission authentiques bi asanid sahiha dans son livre Al-Kifaya fi ilm al-riwaya, chapitre de l'obligation de celui qui recommande de révéler ce qu'il a au sujet de celui dont on demande le statut. C'est-à-dire que donc le savant doit montrer le statut des gens, doit montrer le statut des rouès et des douettes. Parce que donc les gens qui parlent dans la religion sont généralement de deux types. Il y en a qui transmettent juste les textes. Ça c'est des rouès qui transmettent juste les textes, juste les paroles. Il y a qui transmettent l'essence. Il y en a qui ne vont pas transmettre le hadith, ne vont pas faire le riwayat du hadith, mais ils vont faire la transmission des sens. Il va donner une khutbah ou bien donc une intervention, une conférence où il va dire que la religion, dans la religion, il y a tel et tel aspect. Dans la religion, il est permis de faire ceci ou cela. Ça c'est un da'iya. Il fait la da'wa, mais est-ce qu'il fait la da'wa conformément à la manière des gens de la sunna ou non? S'il ne fait pas conformément donc à la da'wa des gens de la sunna, les gens de la sunna le critiquent, ils vont dire ça c'est une personne ayant tel et tel et tel aspect de déviance. Très bien, on va lire ce qu'a noté al-Khatib al-Baghdadi dans ce chapitre dans ce livre qui est al-Kifaya fi ilm al-Riwaya. Il a dit premier athar, premier texte, al-Hassan, c'est-à-dire al-Hassan al-Basri dit: il n'y a point de médisance concernant les gens d'innovation. La ribata li ahli al-bid'ah. C'est-à-dire que lorsque les gens d'innovation qui ont contredit les gens de la sunna, lorsqu'on parle d'eux, ça ne relève pas de la médisance. Ça ne relève pas de la médisance. Bien sûr, nous, lorsqu'on va parler d'eux, on ne va pas parler d'eux sans intérêt et sans occasion. Et à tout moment, on va parler de cela. On va parler de cela, donc lorsque c'est nécessaire. Il y a beaucoup de chapitres dans la religion. Il y a la croyance, il y a le fiqh, il y a aussi le fiqh, il y a aussi le hadith, il y a aussi le tafsir, il y a le tafsir. Il y a beaucoup d'aspects dans la religion. On parle, on essaie de parler donc dans les aspects de la religion. Et lorsque donc il vient donc l'aspect qui est la méthodologie et l'aspect des gens d'innovation, etc. On parle, mais on ne va pas donc tout le temps parler que de cela. Que de cela. Non, on va dire tel homme, oui, les gens de science, ils ont parlé de son statut, ils ont dit telle et telle chose. Qu'il soit un arabophone ou qu'il soit non arabophone. Parce qu'il y a maintenant des anglophones, des francophones qui font donc ce qui s'appelle généralement da'wa. Mais est-ce que c'est une da'wa fi sabilillah ou fi sabil autre chose? Est-ce que c'est une da'wa? Est-ce que c'est une prédication dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala ou non? D'accord? Donc là, la première parole, c'est que il n'y a point de médisance concernant les gens d'innovation. Ça, c'est A. Deuxième parole, d'après Yahya ibn Sa'id. Yahya ibn Sa'id, il dit: j'ai demandé à Shu'ba, ça c'est des muhaddithines, ça c'est des gens de science. Ce qu'il va nous rapporter ici, ça c'est des muhaddithines, des gens de la sunna. J'ai demandé à Shu'ba, Sufyan, et Malik ibn Anas, les grands savants. J'ai demandé à ces grands jibel, ces grandes sommités de la science. Et Sufyan ibn Uyayna. J'ai demandé au sujet de l'homme accusé dans le hadith, ou qui n'apprend pas bien. Ils ont dit, montre son affaire aux gens. C'est-à-dire, lui, il a interrogé, il a demandé celui qui est accusé dans le hadith, muttaham fil hadith, ou qui n'apprend pas, la yahfad, qui n'apprend pas bien, qui n'apprend pas, ou la yahfad, Est-ce que je dois me taire sur son cas ou qu'est-ce que je dois faire? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, montre son affaire aux gens. Bayin halal nas. Pour qu'ils ne se glissent pas donc, parmi les rouers dont les gens de science vont prendre, il se glisse quelqu'un qui a ce statut. Al-Bukhari et Muslim et ainsi de suite, ils ont mis des conditions. Ils ont mis des conditions pour les hommes desquels on prend. Ils ont mis des conditions. C'est pourquoi ces livres sont des livres de, c'est-à-dire d'un haut niveau. Bukhari, rahimallah, les musulmans, ils ont mis des conditions. Hein? Celui qui n'est pas dans ces conditions, eux, ils ne vont pas prendre donc du hadith de lui. Hein? Celui qui n'atteint pas ce niveau, eux, ils ne vont pas prendre son. C'est pourquoi cette religion elle a été préservée. Hein? Ils ont mis des conditions. D'accord? Et surtout les grandes conditions se trouvent chez Al-Bukhari. Il a mis des conditions vraiment, hein, donc de as-sihha, hein, chez lui, rahimahullah ta'ala. Très bien. Et d'après Affan, il dit, nous étions assis chez Ismaïl ibn Ulayya. Un homme en évoqua un autre. Un homme parla d'un autre. Hein. J'ai commenté que ce dernier n'est pas apte. Hein. J'ai commenté que tel dernier dont il était question n'est pas apte de porter le hadith et de le transmettre. D'accord? Le rapporteur dit, tu as médit de lui. Hein? Le rapporteur Rawi qui était en train de parler dit, tu as médit de lui. Tu as fait sa médisance. Tu as médit de lui. Ismaïl intervint. Hein? Et qui est Ismaïl ibn Ulayya. C'est-à-dire, ça, c'est un grand savant. Hein? Nous étions chez Ismaïl ibn Ulayya. D'accord? Ismaïl intervint pour dire, il ne l'a pas médit, mais il a jugé, hein, qu'il est inapte. Il ne l'a pas médit. Il ne l'a pas médit. Il ne l'a pas médit. Il ne l'a pas médit. Il ne l'a pas médit. D'accord? Il ne l'a pas médit. Il ne l'a pas médit. D'accord? Il ne l'a pas médit. Il ne l'a pas médit. Il ne l'a pas médit. Il ne وإنما قال هذا ليس لا يصلح لهذا الشأن. D'accord. Donc là, c'est aussi une troisième donc parole des gens de science comme quoi cela ne fait pas partie de al-riba parce que les gens d'innovation, hein, qu'Allah Azza wa Jal les guide ou bien qu'ils brisent les chines de ceux qui ne veulent pas la guider, hein. Ils disent que cela fait partie de l'riba. Ils disent vous faites l'riba ou l'namima. Ils disent vous faites la médisance et le colportage. Lorsque nous on rapporte que al-Sheikh al-Fawzan a déconseillé quelqu'un, al-Sheikh al-Muqbil a déconseillé quelqu'un, al-Sheikh al-Rabi' bin Hadi, al-Sheikh al-Najmi, al-Sheikh Zayd, ou al-Sheikh Mohammed bin Hadi, al-Sheikh Abd al-Bukhari ou un autre. Il a dit que tel homme, il a une innovation, il a ceci, ceci, ceci, il contredit la voix des gens de la sunna. Ils disent, vous faites de riba in namima. Non, ça ne fait pas partie de riba ou namima. Ça, c'est votre ignorance qui vous fait dire cela. C'est votre ignorance. Regardez les gens de science, comment donc, ils ont parlé de cela. Hein? Il a dit, hein, la miyar sabah wa innama bayyana hala. Il a dit, non, il ne l'a pas médit. Mais il a montré son cas. Très bien. Et d'après Hamad ibn Zayd, il dit, Abbad ibn Abbad, hein, ça c'est des rois, c'est des gens de science, Abbad ibn Abbad, Jarir ibn Hazim, hein, et moi, nous avons parlé à Shu'ba ibn al-Hajjaj au sujet d'un homme. Hein. Nous avons dit, si tu arrêtes de le mentionner, ils sont allés jusqu'à Shu'ba, ils ont dit, si tu arrêtes de mentionner tel homme, ça y est, tu as montré son cas, mais si tu arrêtes de le mentionner, si tu arrêtes de le mentionner, il semble s'être attendri et avoir réagi favorablement à notre requête. Shu'ba, il s'est attendri, il l'a dit. C'est comme si, donc, il était en train de leur dire, je vais accepter votre demande, hein, c'est-à-dire, je vais me taire sur telle personne. Ça y est, je vais me taire sur telle personne. D'accord? Il semble s'être attendri et avoir réagi favorablement à notre requête. Puis je suis parti un vendredi, hein, près de quand Shu'ba m'interpella de derrière moi. Hein, il m'interpella, il dit, un tel dont je vous ai répondu, hein, la dernière fois, un tel, hein, je ne vois pas qu'il me soit possible. Je ne vois pas qu'il me soit possible de me taire. Hein? Il n'est pas la yasa'uni an askuta an. D'accord? La yasa'uni, d'accord? C'est comme ça que doit être le musulman. La yasa'uka, tu vois que ton frère, il va écouter un innovateur. Et lorsque quelqu'un il écoute l'innovateur, qu'est-ce qu'il va faire de son cœur? Il va déchirer son cœur dans tous les sens. Il va déchirer son cœur. Il va y mettre des choubouhat, il va le vraiment, hein, vraiment y mettre ce qu'il veut, hein. Tu vois que ton frère, il va prendre donc d'un innovateur, tu vas lui dire, mais celui-là que tu veux écouter, est-ce que c'est un savant? Est-ce que les gens de science l'ont conseillé? Est-ce que les gens de science nous ont conseillé de prendre la science de tel homme? Hein? D'accord? D'accord? Parce qu'il y a des gens qui vont, lorsqu'ils vont écouter quelqu'un, ils vont prendre toute sa parole et ainsi de suite. Ils vont donc se construire un minhaj sur sa parole. Hein, comme il y a beaucoup d'innovateurs arabophones et autres. Et autres. Et peut-être qu'on aura l'occasion donc de parler, de citer quelques noms, hein, avec donc les exemples qui vont venir. D'accord? Donc là, lorsque tu vois que quelqu'un va écouter un innovateur, ou il porte un livre d'un innovateur, ou une cassette, hein, ou bien il te mentionne que lui, il a écouté tel homme, tu vas lui dire, mais tel homme, est-ce qu'il fait partie des gens de la sunna d'abord? Hein? Les fondements des gens de la sunna, voici. Hein? Mais tel homme, voilà ce qu'il dit. Maintenant, il y a beaucoup d'arabophones qui se sont écartés de la voie des gens de la sunna. Hein? Il y a des arabophones qui appartiennent à d'autres sectes, et ainsi de suite. Hein? Il y a beaucoup donc de gens, surtout sur les télés, les chaînes télévisées, et sur les réseaux sociaux, etc., qui appellent les gens. Ils les invitent à leur méthodologie. Hein, ils les appellent à leur méthodologie. Donc là, il s'agit de dire, comme avait dit Shu'ba rahimahullah, hein, un tel dont je vous ai répondu, je ne vois pas qu'il me soit possible. Hein, je ne vois pas qu'il me soit possible. Parce qu'il pense à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va être devant Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et il n'aura pas de réponse. Pourquoi tu n'as pas montré le cas d'un tel alors que toi tu es un savant, Shu'ba, hein? Toi tu es un savant, Shu'ba c'est un grand savant de la Umma, hein? Donc toi tu étais un savant et tu as laissé ce ravi glisser des choses dans la sunna du messager alayhi salam. D'accord, il a dit la yasa'uni ma urahu yasa'uni, je ne vois pas qu'il me soit possible de faire cette chose. D'accord, faites attention les frères. Une autre parole des gens de science, donc que Al-Khatib Baghdadi il a cité, d'après Abi Bakr ibn Khalad, il dit, j'ai dit à Yahya ibn Sa'id al-Qattan, voici ce qu'il a dit, ne crains-tu pas que ceux-là dont tu abandonnes le hadith soient des adversaires pour toi auprès d'Allah Ta'ala, hein? Est-ce que tu ne crains pas que ces gens vont venir comme des adversaires, toi tu abandonnes leur hadith. Lorsque ces rouettes viennent et ils te proposent leur hadith, tu dis non, je ne prends pas de ces gens. Donc celui-là, il lui a posé la question, est-ce que tu ne crains pas Allah? Est-ce que ça ce sont des rouettes, toi tu ne veux pas prendre d'eux? Hein, qu'est-ce qu'il a dit? Hein, il a répondu, hein, Yahya ibn Sa'id Qattan a répondu, il a dit, hein, que ceux-là soient mes adversaires, mais préférable que le messager alayhi salam soit mon adversaire. Hein? D'accord? Qu'il soit mon adversaire en disant, hein, le prophète alayhi salam, en disant, pourquoi as-tu rapporté sur moi un hadith, hein, que tu voyais être un mensonge? Hein? D'accord? Donc là, ces gens de science, ils ont observé ces règles. Ils ont observé ces règles. Hein? Il a dit que ces gens soient mes adversaires, mais préférable que le fait que le messager alayhi salam soit mon adversaire. Il va venir et dire, toi tu as rapporté de moi un hadith alors que tu voyais que ce n'était pas un hadith authentique. Hein? Authentique. Donc là, nous on doit être avec Al-Qur'an ou Al-Sunna ou Fahm Salaf. On ne doit pas nous laisser influencer par les règles des gens d'innovation qui vont dire, mais laissez les gens dire ce qu'ils veulent et ainsi de suite. Non, nous on a une religion à défendre, bi-iznillahi ta'ala. Nous, quel est notre rôle? C'est de propager ce que les gens de science ils ont dit. Hein? C'est de propager ce que nous savons, que les gens de science ils ont dit. Très bien. Et d'après Asim al-Ahwal, il dit, Qatada, critiquer Amr ibn Ubayd. D'accord? Amr ibn Ubayd, il est connu comme étant un innovateur mu'tazilite. Hein. Critiquer Amr ibn Ubayd, je me suis mis à genoux. Regardez, hein, il s'est mis à genoux, c'est-à-dire qu'il voulait la vérité sur la chose. Il s'est mis à genoux, c'est comme s'il était en train de montrer au savant, hein, il était dans l'assise du savant, c'est comme s'il était en train de lui montrer que moi je ne veux que la vérité sur cette chose. Je me suis mis à genoux et j'ai dit, les fuqaha se font des griefs les uns sur les autres, hein, les uns les autres. Les fuqaha, hein, c'est-à-dire, lui il considérait que ce Amr ibn Ubayd, hein, était parmi les gens de science. Comme maintenant, il y a des shabab, il y a des jeunes, ils se trouvent dans l'embarras. Ils pensent que certains arabophones sont aussi des gens de science chez les arabophones. Ils pensent que, par exemple, celui qu'on va citer, parce que le cheikh il a répliqué beaucoup à cet homme dans cette épître, qui est Mohammed bin Hassan al-Misri, qui est un Qutbi, un suiveur de Sayyid Qutb al-Misri. Hein? Des jeunes pensent que Mohammed Hassan, c'est parmi les gens de science. Non, ça fait partie des Qussas. Ça fait partie des gens qui racontent des histoires, qui occupent les gens dans la télé, qui parlent beaucoup dans la télé, mais qui n'ont pas de science. Hein? D'ailleurs, son diplôme, sa formation initiale à lui, ce n'était pas dans le sharia, c'était dans le sahafa, dans le journalisme. Et par la suite, lorsqu'il a trouvé qu'il avait ce bavardage et ainsi de suite, il a dit, je vais me diriger vers la da'wa, hein, vers la sharia. Alors que lui, il est un ikhwan, il fait partie de la branche de l'ikhwan al-Qutbiyyin, qui voit le khuruj. Et la preuve, c'est que lui-même, il est sorti contre son ex-gouverneur, hein, le gouverneur qui était en place, qui est Hosni Moubarak. Il est sorti dans la rue et il a mobilisé les jeunes, comme font les khawarij, et il est sorti contre son gouverneur. Et donc, il a dit, moi-même, je suis sorti. Hein, pourquoi des gens ne veulent pas sortir? Moi-même, je suis sorti. Est-ce que les gens de science sortent contre cela, contre les gouverneurs? Des gens de science, un alim, va sortir dans les rues, il va sortir avec la racaille, hein, avec les gens qui lancent des pierres pour contre les vitres et qui vont saccager les voitures et qui vont brûler, qui vont crier. Est-ce que vous imaginez qu'un savant, hein, comme l'Albani ou Ibn Baz va sortir dans ces choses, ces manifestations? Non. Donc là, cet homme, le cheikh, il va lui répliquer parce que cet homme, il a beaucoup parlé pour critiquer cette science. Hein, il a critiqué cette science, cet homme. Il a fait un char et une cassette, hein, pour critiquer cette science et pour dire que ce que vous faites, c'est de l'riba. C'est le riba al-namir. Lui, le cheikh, il a composé cette épître pour lui montrer les preuves et les preuves et les preuves. Qu'est-ce que disaient les salaf, salih adouallah alayhim, hein, concernant cette science et concernant cette religion. Très bien. Donc, il a dit, d'après Asim al-Ahwal, il dit, Qatad a critiqué Amr ibn Ubayd. Je me suis mis à genoux et j'ai dit, les fuqaha se font des griefs les uns les autres, hein. Les fuqaha yaruddu ba'dhum ala ba'd, hein. Yanalu ba'dhum min ba'd, hein, se font des griefs les uns les autres. Il répondit, hein, Qatada qui critiquait. Il répondit, oh Ahwal, hein, parce que c'était sa kunya, il était connu par cela, oh Ahwal. Un homme ayant inventé une innovation, il est meilleur qu'il soit mentionné, qu'il soit critiqué, qu'il soit mentionné, que de se taire sur son cas. Rajulun ibtada'a bid'atan, yuzkar awla min an yuskas 'an. D'accord? Un homme qui a innové, qui a donc mis une innovation, ou bien qu'il est en train de soutenir une innovation, telle que l'innovation du khuruj ou autre. Hein? Il y a maintenant beaucoup d'innovations. Le sunni, l'homme qui aime la sunna et qui veut défendre cette sunna du messager, doit, hein, donc, montrer le comportement adéquat. Lorsque des gens vont dire, nous on ne croit pas en adab al-qabr. Ou quelqu'un va dire, moi je vois la vie de Mudaharas. Ou bien quelqu'un va critiquer un sahabi, va dénigrer un sahabi. Ça c'est des innovations. Hein, c'est des innovations. Le fait de venir critiquer un sahabi parce que les sahaba ce sont des udoul, on ne les critique pas. Les sahaba, le nabi il a donné leur adala, il a dit que ça c'est des gens digni. D'accord? Il y a beaucoup de textes du prophète, il a dit, hein, où il montre l'adala des sahaba. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, il a dit radiallahu anhum wa radu an, les sahaba, al-muhajirun wal-ansar. Ça y est, ça c'est des gens dignes. Que un rafidi vienne critiquer un sahabi, le sunni, il doit s'ériger, il doit dire non, ça c'est la vie de rawafid. Ou bien qu'il voit quelqu'un qui dans sa société, il propage tel hadith sur un sahabi, lui il doit montrer que ça c'est faux. On ne critique pas sahaba, on ne dit pas ces choses sur sahaba. Hein? Donc tel que les gens qui dénigrent des sahaba en particulier. Hein? Tel que c'est trois trucs qui dénigrent par exemple Uthman. Hein, ou qui dénigre aussi Amr ibn al-As, hein, ou Muawiyah ibn Abi Sufyan, il dénigre, ou bien Uthman ibn Affan. Hein. Regardez que ces gens sont vraiment, vraiment des fanatiques, au point que même Uthman, ils ne l'agréent pas. Même Uthman, qui est le troisième calife des musulmans, ils ne sont pas satisfaits. Alors, est-ce qu'ils seront satisfaits des gouverneurs actuels, hein? Ils ne sont pas satisfaits de l'hukm de Uthman. Sayyid Qutb n'était pas satisfait de l'hukm de Uthman. Il a dit que l'hukm de Uthman, le règne de Uthman ibn Affan, vous connaissez bien donc de Nourayn, Uthman ibn Affan. Hein? D'accord? Donc cet homme, il a dit, donc Sayyid Qutb, il a dit le gouvernement de Uthman était une fajwa. C'était un moment vide. Hein? C'était un moment vide. Alors que Uthman, c'est un grand savant, c'est un grand compagnon. C'est de Nourayn, le prophète lui a donné comme épouse deux de ses filles du prophète alayhi salam. Et donc il a beaucoup de manaqib, Uthman. C'est un grand savant, Mujtahid, c'est un grand savant. Donc il ne peut donc être le troisième calife qu'en détenant beaucoup de science et beaucoup de piété, hein, parmi les sahaba pour être vraiment le calife des musulmans. Lui, il vient, il dit non, ça c'est son gouvernement, c'était un moment donc comme il ne s'est rien passé chez les musulmans. Mais au contraire, hukm de Uthman, il y a beaucoup donc de succès pour les musulmans. Mais Rawafid, parce que eux, ils ont le haqd à l'égard des compagnons, ils ont glissé ces choses. Et lui, il a pris donc des livres de Rawafid et il a transmis cette chose. Hein, il a transmis cette chose. Il rapporte ce que disent Rawafid des sahaba. Hein? Nous, on doit connaître que disent les gens de la sunna des sahaba, et non pas ce que disent les rawafid qabbahahum Allah. Très bien. Voilà. Et d'après Makki ibn Ibrahim, il dit, Shu'ba venait chez Imran ibn Hudayr, Abdel. Chez Imran ibn Hudayr, disant, oh Imran, viens qu'on médise pour Allah Azza wa Jal pendant un moment. Hein? Il montre que c'est pas de l'riba. Il dit, viens qu'on médise, hein, donc pour Allah pendant une heure. Hein? C'est-à-dire que ce n'est pas de la médisance, c'est de venir d'étudier l'Asanid, c'est d'étudier les rapporteurs, d'étudier Rouat, hein, d'étudier les chaînes de transmission, de voir est-ce que tel hadith il présente une illa ou non, est-ce que tel homme a rencontré tel autre, est-ce que tel autre il a ad-dabt. Il a donc l'adala, il a ceci, cela. Donc il était en train d'étudier cela. C'est-à-dire que c'est une science. Il disait, Ta'ala nartab fillahi sa'a. D'accord. Très bien. Voilà, pendant un moment, et il mentionnait les défauts des rapporteurs. Et d'après Ibn al-Mubarak, hein, Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, il dit, Al-Mu'alla ibn Hilal, hein, il a dit, Ibn al-Mubarak, il a dit, donc il parle d'un homme, il dit, Al-Mu'alla et Ibn Hilal, Al-Mu'alla huwa Ibn Hilal, hein, Al-Mu'alla huwa Ibn Hilal, seulement, quand il s'agit de hadith, il ment, hein, وَلَكِنَّهُ لَمَّا يَتَعَلَّقَ الْأَمْرِ بِالْحَدِيثِ يَكْذِبْ, hein, c'est-à-dire, c'est un menteur dans le hadith. Certains soufis se sont écriés. Certains soufis, hein, comme les soufis, ils s'écrient parfois à ce genre de renard qu'ils disent, hein, non, vous faites le riba. Hein. Certains soufis se sont écriés, oh Aba Abdirrahman, tu médis, hein, c'est-à-dire ils disent à Abdullah ibn al-Mubarak, le grand tabi'i. Abdullah ibn al-Mubarak, c'est un grand tabi'i, c'est un homme qui est connu par la piété et par la science. Abdullah ibn al-Mubarak, c'est parmi les grands tabi'in. Ces soufis ont dit, oh Aba Abdirrahman, tu médis, tartab. Hein? Il répondit, tais-toi, hein, uskut. Il a répondu, tais-toi, si nous ne montrons pas, hein, comment le vrai serait-il séparé du faux? Si les gens de science ne vont pas montrer les choses, comment le vrai sera séparé du faux, hein? Si les gens de science ne vont pas montrer Ibn Baz et Fawzan et Rabi Ibn Hadi et l'Albani et l'Husseinine et Muqbil, les gens de science, s'ils ne vont pas nous montrer hein, lorsqu'il y a une ambiguïté qui se présente, hein, comment le vrai va être dissocié du faux, hein? D'accord? Où il a dit un propos similaire à celui-ci. D'accord? Regarde, il a commencé par lui dire, c'est toi, est-ce que tu... Hein, parce que lorsque donc quelqu'un il va contredire les gens de science avec ce nefes, avec ce qu'ont fait ces soufis, ça c'est faux. Hein, il s'agit de respecter les gens de science et donc de suivre leurs orientations. Et d'après Abi Zur'a, Abi Abdurrahman ibn Amr, il dit, j'ai entendu Abu Mus'hir hein, demander au sujet de l'homme, hein, de l'homme qui se trompe, qui s'illusionne et qui mélange. Ar-rajul alladhi yukhti' hein, walladhi yahim, walladhi yukhallit. D'accord, qui confond. Hein? Et il a demandé son cas. Il a demandé à qui? J'ai entendu Abu Mus'hir demander au sujet de l'homme qui se trompe, s'illusionne, ainsi de suite. Il dit, j'ai demandé à Abu Mus'hir, d'accord? Vois-tu que cela relève de la médisance? Il dit, non. Non. Le fait de dire qu'il s'illusionne, ou qu'il mélange, hein, d'accord? Ou qu'il se trompe, cela ne relève pas de la médisance. D'accord? Donc là, les gens qui ont le bon sens, ainsi de suite, bon, ça va, ça fait partie de la critique. Et la critique se trouve même dans les sciences mondaines. Que dire de la religion? Comment il ne doit pas y avoir une critique pour sauvegarder et préserver la religion authentique? D'accord? Et d'après Mohammed ibn Bindar, al-Sabbak, al-Jorjani, il dit, j'ai dit à Ahmed ibn Hanbal, regardez que c'est les grands savants, hein, j'ai demandé à Ahmed ibn Hanbal, hein, qu'est-ce qu'il lui a demandé? Il a dit, il m'est pénible de dire un tel est faible, tel autre est menteur. Ahmed dit, hein, si tu te tais, il a un tesakata, si tu te tais, et moi je fais de même, wasakatu ana, c'est-à-dire Ahmed, rahimahullah, hein, quand est-ce que l'ignorant, hein, comme nous, à notre époque, quand est-ce que l'ignorant, hein, saurait ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas? Hein, quand est-ce que l'ignorant va savoir la vérité et suivre la vérité et adorer Allah subhanahu wa ta'ala par la vérité? Non pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala par un minhaj faux, mais adorer Allah subhanahu wa ta'ala par la vérité. Hein? D'accord? Et d'après Abdullah ibn Ahmed, il dit, j'avais dit à mon père, hein, quel est ton avis sur les rapporteurs qui viennent, hein, auprès d'un cheikh qui peut être murji'ite ou chiite, où il renferme ce qui contredit la sunna. Pourrais-je me taire sur son cas, ou bien dois-je avertir contre lui? Donc là, c'est le fils de l'imam Ahmed qui demande à son père. Hein, mon père avait dit, s'il invite à une innovation, si ce murji'ite ou ce chiite, hein, et ainsi de suite, s'il invite à son innovation, et qu'il est un imam, hein, certes averti contre lui. D'accord? Fin de la citation de Al-Baghdadi. Ça, c'est ce que avait rapporté Al-Faqih Al-Baghdadi rahimahullah dans ce petit chapitre que le cheikh nous a extrait. D'accord? Donc là, le cheikh, donc, il nous a apporté dans ce dernier texte, c'est-à-dire quand quelqu'un, il appelle à une innovation. Ça, c'est un. Et deuxième chose, c'est un imam. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est connu. Toi, tu vas mettre contre lui. Hein, tu vas mettre en garde contre lui. Tu vas avertir contre lui. Non pas que tu vas avertir contre quelqu'un qui est méconnu. Parce que lorsque tu vas avertir contre quelqu'un qui est méconnu, tu vas le rendre connu. Ça touche héros. Donc là, on met en garde contre les gens qui sont connus, donc dans les médias et donc dans les réseaux sociaux et ainsi de suite. Très bien. Donc, je sais pas si on marque une pause d'abord. Oui, on va marquer une pause avant de voir les commentaires du cheikh après cela.